Dans un grand panier de bois blanc, recouvert d'une toile brune, la pâte lève doucement pendant que dehors luit la lune. Depuis des heures, elle reste sage, se remettant de l'émotion, de l'énergique pétrissage et ses nombreuses contusions. Née de l'ancestral mélange de l'eau pure et du froment, elle fut inventée par un ange pour nous apporter le pain blanc. Depuis des siècles, il nourrit l'homme, mais disponible inégalement, certains en excès le consomment, d'autres en meurent de manquement. Devant cet inégal partage, trouverons-nous la solution, celle qui paraît la plus sage, de partager notre croûton ?